Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Daikyuwa. Nakata n'en a aucune idée. Mais il pense que quand il sera arrivé, il le saura. Tout est question d'imagination. La responsabilité commence avec le pouvoir de l'imagination. Il y a en ce monde tant de choses que je n'ai jamais remarquées. Puis quand les sangsues tombent du ciel, hein? Un jour, tu peux me le dire? Tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Neuvième épisode. Maintenant que je suis seul dans la cabane, le silence m'enveloppe comme s'il n'avait attendu que ça. L'air nocturne est si froid qu'on ne se croirait jamais au début de l'été. Mais il est trop tard pour faire du feu. Pour ce soir, je n'ai qu'à me pelotonner dans mon sac de couchage et dormir. Je ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Tu essaies de t'endormir, mais tu n'y arrives pas. Mon corps cherche le sommeil, mais ma conscience reste en alerte. J'ai l'impression que quelqu'un me surveille. Un regard invisible pèse douloureusement sur moi. Allez, ça va. Tu es seul dans cette cabane. Personne ne t'épie par la fenêtre. Mais cette sensation d'être observé ne me quitte pas. Allons bon. Te voilà terrorisé par le silence et les ténèbres. Tu meurs de frayeur comme un petit gamin peureux. C'est ça ta véritable nature ? J'ai toujours cru que t'étais un dur pourtant. Je suis le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Mais on dirait que je me suis trompé. Tu m'as l'air au bord des larmes. Ma parole, si ça continue, avant le matin, t'auras pissé au lit. Je me réveille à 6 heures du matin passé. Je sors de mon sac de couchage, ouvre les rideaux. Tout étincelle dans l'éclat doré qui vient de naître. J'ai décidé de passer ma matinée à lire tranquillement. Je prends un livre sur le procès de Karl Adolf Eichmann. J'apprends en le lisant que ce lieutenant-colonel SS était un homme à l'esprit pratique. Peu après le début de la guerre, le haut commandement nazi le charge de mettre en œuvre la solution finale, et il élabore alors un projet concret permettant de mener ce programme le plus efficacement possible. Eichmann ne se sentira jamais coupable. Sur une page blanche, à la fin du livre, Oshima a laissé une note au crayon. Tout est question d'imagination. La responsabilité commence. Tout est question d'imagination. D'imagination. La responsabilité commence avec le pouvoir de l'imagination. Yeats disait. La responsabilité commence dans les rêves. C'est parfaitement exact. À l'inverse. La responsabilité ne peut naître en l'absence d'imagination, comme nous pouvons le constater avec Eichmann. Je réfléchis à ma propre responsabilité. Comment faire autrement? Mon t-shirt blanc était plein de sang et je l'ai lavé avec ces mains-là. Il y avait tellement de sang que le lavabo est devenu tout rouge. Des gens saigneront. Et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Il faudra sans doute que j'assume ma responsabilité dans cette effusion de sang. Ce sera ton sang et le sang des autres. On ne peut être tenu responsable d'un acte qu'on ne se souvient pas d'avoir commis. Peu importe qui était le maître de ce rêve à l'origine, puisque tu l'as partagé. Je sais même pas ce qui s'est passé. C'est ça. Très bien. Frappe-moi sans hésiter. Bravo. Tu es responsable de ce que tu as rêvé. Car ce rêve s'est insinué en toi par les sombres corridors de ton âme. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Tu Bonsoir, monsieur. Je voyage vers l'ouest. Auriez-vous une place pour moi dans votre camion? Allez, d'accord, je vous prends. Vous ressemblez à mon grand-père. Nous arriverons demain matin à Kobe. Je transporte des meubles pour un grand magasin de la ville. Et donc, il paraît qu'il a plus des sangsues. Vous êtes au courant? Ça a rendu la chaussée glissante. Et certains chauffeurs ont perdu le contrôle de leur véhicule. Eh ben, dites donc. Je dirais qu'il en est tombé pas mal. Hein. La route est une vraie savonnette. C'est plutôt dégoûtant les sangsues, pas vrai? Hein, grand-père? Vous avez déjà eu des sangsues collées sur vous? Non, la cata n'en a pas le souvenir en tout cas. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour s'en débarrasser. C'est de les brûler. Blarc. Eh oui, elles se collent sur votre peau pour vous sucer le sang et après, elles deviennent toutes grosses et flasques. C'est immonde, hein? C'est sûr. Tout de même, les sangsues tombent pas du ciel au milieu d'un parking d'autoroute. Rien à voir avec une averse. Jamais rien entendu d'aussi stupide. Les gars d'ici, ils y connaissent rien en sangsues, je vous le dis, moi. Depuis quand les sangsues tombent du ciel? Hein? Vous pouvez me le dire? D'après-midi, je pénètre dans la forêt. Les mains vides, je quitte la clairière ensoleillée et m'enfonce sous les hautes futaies sombres. Un lacis de grosses branches s'étend dans tous les sens. Les feuillages épais forment un dais au-dessus de ma tête. Le chemin devient de plus en plus étroit au fur et à mesure que j'avance. Bientôt, il disparaît complètement dans un océan de mousse vert vif. Peut-être reprend-il ensuite, mais je trouve préférable d'attendre une autre occasion pour le vérifier. Il me faudra un équipement et une tenue adéquate pour m'aventurer plus loin. Rien, dans ce paysage inconnu, ne m'encourage à continuer. Des troncs lugubres, en rangs si serrés qu'ils se chevauchent, limitent mon champ de vision. Je n'entends même pas d'oiseaux chanter. J'ai soudain la chair de poule. Pas d'inquiétude inutile, tu es sur le chemin par lequel tu es venu. Si je ne le perds pas, je vais pouvoir retourner vers la lumière. J'avance prudemment, jusqu'à ce que je débouche sur la clairière de la cabane. Empli de lumière et de chants d'oiseaux. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. La chaise sur laquelle j'étais assis est toujours là, sur le perron. Le livre que j'étais en train de lire est par terre, devant elle, ouvert. Mais maintenant, j'ai réellement conscience du danger que recèle la forêt. Je ne dois pas oublier cela. Il y a un tas de choses que tu ignores encore en ce monde. Je ne savais pas, par exemple, que les plantes pouvaient avoir l'air aussi inquiétantes. Quelque chose dans cette forêt évoquait une obscure magie préhistorique. Les arbres règnent sur ces bois, tout comme les créatures au fond des océans règnent sur les abysses. La forêt peut me rejeter ou m'avaler, selon ses besoins. Il vaut mieux garder une crainte révérencieuse envers ces arbres. Après un dîner frugal, je sors contempler les innombrables étoiles qui scintillent au-dessus de ma tête. Le spectacle est à couper le souffle. Mais les étoiles ne sont pas seulement belles. Elles vivent et respirent, comme les arbres de la forêt. Et elles me regardent. Elles savent ce que tu as accompli jusqu'ici et ce que tu accompliras dans l'avenir. Rien ne leur échappe. Pas le moindre recoin de ma vie. Depuis le début, tu vis sous le regard de toutes ces étoiles et tu n'avais jamais encore remarqué leur présence. Je n'avais jamais pensé sérieusement aux étoiles. Il n'y a pas que les étoiles. Il y a en ce monde tant de choses que tu n'as jamais remarquées. Il y a en ce monde tant de choses que je n'ai jamais remarquées. Eh, hey, papy, t'as faim? Oui, Nakata a un petit creux. Allons prendre un petit déjeuner alors. À propos, je m'appelle Oshino. Enchanté, monsieur Oshino. Moi, je m'appelle Nakata. Mais ça, je le savais déjà. Prends ce que tu veux sur le menu, papy. C'est bon et pas cher ici. Entendu. Excusez-moi, monsieur Oshino, Mais Nakata n'est pas très intelligent. Et il ne sait pas lire. Waouh! Tu sais pas lire? C'est plutôt rare de nos jours, non? Enfin, peu importe. Moi, je prends du poisson grillé et une omelette. Tu veux la même chose? Nakata adore le poisson grillé et l'omelette. Tant mieux. J'aime beaucoup l'anguille aussi. Ah, moi aussi, j'aime l'anguille, mais c'est pas le genre de truc qu'on mange le matin. Deux poissons grillés et deux omelettes, dont une avec double portion de riz. Deux poissons grillés, deux omelettes, une double portion de riz. Ça te gêne pas de pas savoir lire? Si. Parfois, ça m'embarrasse beaucoup. Tant que je ne quitte pas l'arrondissement de Nakano, ça va. Mais si je vais un peu plus loin, comme en ce moment, c'est très compliqué pour moi. Je te comprends, Kobe, c'est plutôt loin de l'arrondissement de Nakano. Nakata ne sait pas où se trouvent le nord et le sud. Il distingue seulement la droite et la gauche. Alors, je me perds. Et puis, je ne peux pas acheter de billets. C'est déjà extraordinaire que tu sois arrivé jusqu'ici. Tout de même, ça doit être drôlement gênant de ne pas savoir lire. Mon grand-père était plutôt gâteux, mais il savait lire. Oui, Nakata est particulièrement idiot. Tout le monde est comme ça dans ta famille ? Non, pas du tout. Nakata est le seul à avoir eu un accident et à être idiot. Nakata ne comprend pas les choses compliquées. Mais il sait que s'il reste dans l'arrondissement de Nakano, il ne se perd pas. Le préfet s'occupe bien de moi. Et puis, je m'entends bien avec les chats. Mais depuis que Johnny Walken est apparu dans sa vie, Nakata ne peut plus rester à Nakano. Johnny Walken? Oui. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis universellement célèbre. Il porte un chapeau noir très haut et une redingote. On pourrait presque dire que je suis une icône. Il attrape les chats pour voler leurs âmes. Avec lesquels je fabrique une flûte d'un genre particulier. Et quand je soufflerai dans cette flûte, je rassemblerai des âmes encore plus importantes et fabriquerai une autre flûte plus grande encore. Laisse tomber. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre les histoires trop longues. Bref, il t'est arrivé quelque chose et tu as dû quitter l'arrondissement de Nakano. Tout à fait. Et où as-tu l'intention d'aller ? Nakata ne sait pas très bien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit traverser un pont. Un très grand pont qui se trouve près d'ici. Il n'existe qu'un seul grand pont dans le coin, c'est le viaduc qui passe au-dessus de la mer et qui mène dans le Shikoku. Tu veux juste franchir ce pont et continuer ta route ? Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais pas où tu vas exactement. Nakata n'en a aucune idée. Mais il pense que quand il sera arrivé, il le saura. Juicier. Je m'engage comme la veille dans le petit sentier qui s'enfonce dans la forêt. Cette fois, j'emporte ma boussole. Je fais aussi des encoches sur les troncs d'arbres avec la hachette pour marquer mon chemin et j'arrache les herbes folles pour dégager la voie. Comme hier, la forêt est sombre et profonde. Les arbres aux cimes élevées m'encerclent tel un mur épais. Je crois voir des choses sombres dissimulées entre les branches. Sorte d'animaux en trompe-l'œil et me sens à nouveau observé. Mais tu n'as plus la chair de poule comme hier. J'arrive à l'endroit où je me suis arrêté la veille et continue ma route. Après avoir avancé un petit moment, je tombe sur une clairière entourée de grands arbres. On se croirait au fond d'un puits profond. Cet endroit me paraît étrange. Je m'assieds par terre pour recevoir un peu de cette lumière bénie. Puis je me lève et retourne à la cabane en suivant le même chemin qu'à l'aller. Dans l'après-midi, un orage violent éclate. Je me déshabille entièrement et sors tout nu sous l'averse. Je me savonne les cheveux, le corps et me lave sous cette douche naturelle. Je me sens merveilleusement bien. Les grosses gouttes me frappent comme des cailloux. Ces pointes de douleur semblent faire partie d'un rituel d'initiation. Et de cette douleur se dégage un sentiment d'intimité avec le monde. Comme si enfin, il me traitait justement. Je me sens extatique, soudain libéré. Une fois rentré dans la cabane, je m'essuie avec une serviette, puis je m'assieds sur le lit et regarde mon sexe. Un pénis jeune et sain, à la peau claire. J'observe longuement cet étrange organe que je suis incapable de contrôler la plupart du temps, alors qu'il fait partie de moi. On dirait qu'il est animé de sa propre volonté, indépendamment de la mienne. Tu tends la main pour te branler. Puis je change d'avis. J'aimerais conserver encore un peu cette étrange sensation de pureté que m'a procuré ma douche sous la pluie. Poursuivront partout, inlassablement. Elles surgiront de la forêt profonde, tenaces, sans pitié, ne connaissant ni la fatigue, ni l'abattement. Tu as réussi à te retenir de te masturber ? Mais tout à l'heure, cela prendra la forme d'une pollution nocturne, au cours d'un rêve où tu violeras peut-être ta sœur ou ta mère. Cela, tu es incapable de le contrôler. Tu ne peux que l'accepter. Tu as peur de ton imagination et plus encore de tes rêves. Mais tu ne peux pas t'empêcher de dormir et, quand tu dors, les rêves surviennent immanquablement. L'imagination dure n'est maîtrisable. Pas les rêves. T'as assez mangé, papy ? Oui. Nakata a vraiment l'estomac plein. Et vous, monsieur Oshino ? Moi aussi, j'en peux plus. Ça rend heureux, hein ? Un bon petit déjeuner traditionnel comme ça, non ? Oui. Nakata se sent très heureux. Hé ! Tu veux pas aller chier un coup ? Oui. Maintenant que vous me le dites, je crois que j'irai volontiers. Ben vas-y alors, les chiottes, c'est là-bas. Et vous, monsieur Oshino ? J'irai tranquillement tout à l'heure. Vas-y d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Nakata va aller faire la grosse commission le premier dans ce cas. Hé, pas la peine de claironner comme ça. Il y a des gens qui mangent autour de nous. Oui, excusez-moi. Nakata n'est pas très intelligent. Ouais, ben, c'est pas grave. Bon alors, tu décides. Est-ce que je peux me brosser les dents tant que j'y suis ? Mais bien sûr, lave-toi les dents aussi. On a encore le temps. Mais tu peux laisser ton parapluie ici. Tu vas juste aux toilettes, non ? Bon, je laisse mon parapluie, alors. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais, monsieur Oshino... Nakata a de l'argent, vous savez. Laissez-moi au moins payer le déjeuner. Non. C'est rien, j'ai emprunté pas mal de sous à mon grand-père à l'époque où je faisais des bêtises. Mais Nakata n'est pas votre grand-père, monsieur Oshino. C'est pas ton problème, ça. Tu peux pas te laisser inviter et la boucler. Merci beaucoup pour ce délicieux repas. C'est juste une omelette et du maquereau grillé dans un boui-boui. Pas la peine de me remercier en faisant des courbettes. Tout de même, monsieur Oshino, Nakata a profité des bontés de tout le monde. Depuis son départ de Nakano, il n'a pas encore pu dépenser un seul yen. Ça, c'est quelque chose. C'est la troisième nuit que je passe dans la cabane. Je m'habitue chaque jour davantage au silence et à la profondeur des ténèbres. Je n'ai plus vraiment peur de la nuit et la forêt ne provoque plus en moi la même crainte qu'au début. Elle m'inspire une sorte de respect naturel et je me sens même intime avec elle. Mais je me contente bien sûr de rester sur le petit sentier, à proximité de la cabane, et ne pénètre pas plus avant. Tu ne dois pas t'éloigner du chemin. Tant que tu respectes cette règle, il ne peut rien t'arriver. La forêt m'accueille en silence. Ou peut-être m'ignore-t-elle, et je peux partager la sérénité, la beauté qu'elle abrite. Mais peut-être que si j'enfreins la règle, des bêtes sauvages tapies dans le silence viendront me prendre dans leurs griffes acérées. Elles te poursuivront partout, inlassablement. Je me promène parfois sur le sentier, m'allonge dans la petite clairière ronde au milieu des arbres, savoure le soleil. Je tends l'oreille au bruit que fait le vent dans la cime des arbres. J'écoute les oiseaux battre des ailes, les fougères frémir. Je me sens libéré de la gravité. Il me semble que mon corps se soulève un peu au-dessus du sol. Je flotte légèrement dans l'espace. Mais tu savais que ton séjour dans cette cabane ne serait que temporaire. Oui, je ne faisais qu'y passer. Cet endroit était trop serein, trop naturel, trop parfait. Je ne le méritais pas. C'était trop tôt, sans doute. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Neuvième épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka. Arthur Ribot, le garçon nommé Corbeau. Juliette Plumcoq-Mèche, Oshima. Axel Boguslavski, Nakata. Jonathan Cohen, Oshino. Et les voix de Philippe Magnan et Esther Vandendrich. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond. Thank you.